avouer, sans jamais te dire à tous mes proches et mes potes. Adieu. Je pense à mon avenir, mais avant toute chose, faut que je partage mes sentiments. Car à tes ça implique un vient des anciens bâtiments. Je pense que c'est ce que je voulais t'avouer, sans jamais te dire à tous mes proches et mes potes. Adieu. Je pense à mon avenir, mais avant toute chose, faut que je partage mes sentiments. Car à tes ça implique un vient des anciens bâtiments. J'aurais voulu te dire combien je t'aime, ma petite nièce. N'oublie pas ton tonton quand tu es toute seule dans une pièce. J'aurais voulu te dire cousin, ne parle pas à Marseille. Silence est devenu une arme, car envoyer un ange au ciel. J'aurais voulu te dire sans toi, je suis pas aussi fort. Mec, t'es mon seul exemple, car avant tout, t'es mon frère. J'aurais voulu te dire mademoiselle, je vous adore. Vous êtes mon seul amour qui a l'apparence de l'or. J'aurais voulu te dire s'il te plaît, ne fais pas ça. Mais comme un con, j'étais trop loin, je pouvais pas empêcher ça. J'aurais voulu te dire vaudrait mieux qu'on arrête tout. Mais un test a mis des coups en disant j'avais des coups. J'aurais voulu te dire j'ai rien à voir dans tout ça. Malheureusement tu m'aimais pas et t'aurais fait pire que tout ça. J'aurais voulu te dire j'avoue je regrette ce que j'ai fait, mais j'ai fini en tôle pour assumer ma destinée. Je pense que c'est ce que je voulais t'avouer, sans jamais te dire à tous mes proches et mes potes. Adieu. Je pense à mon avenir mais avant toute chose, faut que je partage mes sentiments. Car à tes ça implique un vient des anciens bâtiments. Je pense que c'est ce que je voulais t'avouer, sans jamais te dire à tous mes proches et mes potes. Adieu. Je pense à mon avenir mais avant toute chose, faut que je partage mes sentiments. Car à tes ça implique un vient des anciens bâtiments. J'aurais voulu te dire allons-nous en loin d'ici. Moi je m'en fous de la décie, y'a que toi que je veux ici. J'aurais voulu te dire apprends-moi le karaté. Je voulais devenir un sportif, je suis devenu un karaté. J'aurais voulu te dire s'il te plaît reviens d'arène. Si j'étais roi tu serais ma reine, car tu m'aimes mon roi et ta reine. J'aurais voulu te dire ton meilleur pote c'est une boucarde. Dance reste à la maison, mais tu croyais que j'étais moins brave. J'aurais voulu te dire ta soeur m'a fait du mal, mais tu m'aurais jamais cru, car tu m'avais jugé mal. J'aurais voulu te dire marche en main dans la main, mais ça fait longtemps que t'as lâché la mienne et que t'en avais plus besoin. J'aurais voulu te dire appelle-moi Adès, car dans l'avenir on se connaît plus à cause d'une meuf de ta reine. Je pense que c'est ce que je voulais t'avouer, sans jamais te dire à tous mes proches et mes potes. Adieu. Je pense à mon avenir mais avant toute chose, faut que je partage mes sentiments. Car Adès a un vrai on vient des anciens bâtiments. Je pense que c'est ce que je voulais t'avouer, sans jamais te dire à tous mes proches et mes potes. Adieu. Je pense à mon avenir mais avant toute chose, faut que je partage mes sentiments. Car Adès a un vrai on vient des anciens bâtiments. J'aurais voulu te dire pour moi t'es un père qui tue. T'as eu plus de couilles que ton fils dans les ombres sous sa pluie. J'aurais voulu te dire petit con viens se tape. On est trop bien entouré pour savoir ce que c'est une clave. J'aurais voulu te dire qu'est-ce qu'il y a petite pétasse. Tu veux faire des problèmes et tous les jours je vois ta face. J'aurais voulu te dire invite-moi dans ton album sale connard. Tu connais plus les gens une fois devant le microphone. J'aurais voulu te dire achète-moi une Mercedes. Tu crois que je vais rapper gratuit, s'il te plaît là c'est à tête. J'aurais voulu te dire présente-moi celui que t'aimes. J'aurais dit excusez-moi mais je vous souhaite que des problèmes. J'aurais voulu te dire hé hey, touche pas à cette connerie. Mais à stage je pouvais rien dire, je connaissais pas la vue. J'aurais voulu te dire Belek tu vas prendre une pluie. À cause de qui? Un vieux gars qui vient de connaître les tiges. J'aurais voulu te dire toi et moi on est des potes, mais on a grandi ensemble sans jamais serrer les poings. J'aurais voulu te dire hé hey, produis mon truc, mais mon rap il tient à cœur et c'est pas pour les langues de pluie. J'aurais voulu te dire fais un clip de mon son, mais tellement tu veux rien lâcher, en fait t'aimes pas nos morceaux. J'aurais voulu te dire si t'aimes pas ma gueule ben chou, pour l'instant tu fais la bulle. Quant à moi tu sais que je chie. J'aurais voulu te dire laisse-moi sur ta mezzanine, je veux sentir ton corps, te prendre pour voyager sur une île. J'aurais voulu vous dire je vous aime à votre partie, car mon voyage sera long, désormais j'ai plus rien à dire. Parce que c'est ce que je voulais t'avouer, sans jamais te dire à tous mes proches et mes potes. Adieu. Je pense à mon avenir mais avant toute chose, faut que je partage mes sentiments. Car à tes ça implique un vient des anciens bâtiments. Je pense que c'est ce que je voulais t'avouer, sans jamais te dire à tous mes proches et mes potes. Adieu. Je pense à mon avenir mais avant toute chose, faut que je partage mes sentiments. Car à tes ça implique un vient des anciens bâtiments. Je pense que c'est ce que je voulais t'avouer, sans jamais te dire à tous mes proches et mes potes. Adieu. Je pense à mon avenir mais avant toute chose, faut que je partage mes sentiments. Car à tes ça implique un vient des anciens bâtiments. Je pense que c'est ce que je voulais t'avouer, sans jamais te dire à tous mes proches et mes potes. Adieu. Je pense à mon avenir mais avant toute chose, faut que je partage mes sentiments. Car à tes ça implique un vient des anciens bâtiments.